Restons aussi longtemps que vous vous accuserez de méfaits imaginaires, nous serons obligés de vous soigner. Mais c'est l'affaire de quelques semaines. Non, docteur. C'est l'affaire de toute ma vie. J'ai choisi, allez. Prison pour prison, celle-là en vaut bien une autre. J'étais déjà prisonnier, maintenant je le resterai jusqu'à la fin de mes jours.